L'apparition des faux prophètes. Parmi les signes qui se sont produits, il y a l'apparition de menteurs qui prétendent être prophètes. Il ne s'agit pas moins de 30 menteurs dont certains sont apparus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle des compagnons radiyallahu anhum et qui ne cessent d'apparaître. Le nombre cité dans les hadiths ne s'applique pas à tous ceux qui prétendent être prophètes de manière générale, car ceux-ci sont nombreux et difficiles à dénombrer. En revanche, il s'applique à celui qui a connu une certaine notoriété, dont les partisans ont été nombreux et qui était connu auprès des gens. Il est rapporté dans les deux sahih, d'après Abu Huraira, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent près de 30 imposteurs menteurs. Chacun prétendra qu'il est le messager d'Allah. » Thauban, radiyallahu an, dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que des tribus de ma communauté rejoignent les polythéistes et jusqu'à ce qu'ils adorent les idoles. Et il y aura au sein de ma communauté 30 menteurs, chacun prétendra être prophète, mais je suis le sceau des prophètes, il n'y aura aucun prophète après moi. » Rapporté par Abu Daoud. Les ahadiths soulignant l'apparition de ces charlatans sont nombreux. Certains stipulent avec exactitude qu'ils sont au nombre de 30, comme dans le hadith de Thauban. Dans d'autres, il est question de près de 30, comme dans le hadith relaté dans les deux sahih. Il se peut en outre que la version de Thauban arrondisse le nombre. Parmi ceux qui sont apparus de ces 30, il y a Musaylima le menteur. Il a prétendu être prophète vers la fin de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a correspondu avec lui par lettre et l'a nommé Musaylima le menteur. Ses partisans étaient nombreux et ses méfaits au sein des musulmans étaient graves, jusqu'à ce que les compagnons radiyallahu anhum en finissent avec lui du temps d'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu an, dans la bataille célèbre d'Al-Yamama. Il y a également Al-Aswad Al-Anasi, au Yémen, qui prétendit être prophète, mais les compagnons radiyallahu anhum l'ont tué avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également Sajjah, qui prétendit la prophétie et épousa Musaylima, mais quand il fut tué, elle revint à l'islam. Taliha ibn Khuwaylid Al-Asadi prétendit également être prophète, mais il se repentit, revint à l'islam, et excella dans son adhésion à celui-ci. Apparut ensuite Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, il montrait son amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et réclamait vengeance pour Al-Hussein. Ses partisans furent nombreux. Il connut surtout une grande influence à Koufa au début du califat d'Ibn Zubayr, mais le diable le pervertit et il prétendit être prophète et recevoir la révélation de Jibril. Parmi ceux qui renforcent qu'il faisait partie des imposteurs, il y a ce qu'Abu Daoud, rahimahullah, mentionne après avoir relaté le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu an, qui se trouve dans les deux sahih, concernant ses menteurs. Ibrahim al-Nakhai dit à Ubaïda al-Salmani, « Crois-tu que celui-ci fasse partie d'eux, c'est-à-dire al-Mukhtar, et lui de dire, « Ubaïda dit, c'est bien l'une des têtes. » Il y a également al-Harith, le menteur, qui fit son apparition durant le califat de Abd al-Malik ibn Marwan, puis fut tué. Durant le califat des Abbasides, il y eut nombre d'entre eux. À notre époque, il y eut Mirza Ahmed al-Qadiyani en Inde qui prétendit être prophète et le Messie attendu, que Issa n'est pas vivant dans les cieux ainsi que d'autres prétentions mensongères. Il eut pourtant des fidèles et des partisans, mais beaucoup de savants se sont dressés contre lui pour répondre à ses propos et ont démontré qu'il était un charlatan. Ces menteurs ne cessent d'apparaître l'un après l'autre jusqu'à ce que sorte le dernier d'entre eux, le faux Messie borgne. L'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte en effet d'après Samura ibn Jundub, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit lors d'un sermon qu'il donna le jour où le soleil s'éclipsa, « Et par Allah, l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaissent 30 menteurs, dont le dernier sera le borgne menteur. » Parmi ces menteurs, il y a 4 femmes. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte d'après Hudhayfa radiyallahu an que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans ma communauté, il y aura 27 menteurs et imposteurs, dont 4 sont des femmes, et je suis le sceau des prophètes, nul prophète après moi. » La propagation de la sécurité. L'un des signes de la fin des temps est la propagation de la sécurité. Abu Huraira radiyallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le voyageur sur une monture n'aille de l'Irak à la Mecque sans avoir peur, si ce n'est de perdre son chemin. Apporté par Ahmed dans son Mousned. Cela s'est produit du temps des compagnons, radiyallahu anhum. au moment où l'islam se généralisa ainsi que la justice dans les régions conquises par les musulmans. Ceci est confirmé par le hadith qui a précédé, rapporté par Aadi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô Aadi, as-tu déjà vu Al-Hira ?» et lui de dire « Je ne l'ai jamais vu mais on m'en a parlé ». Il dit « Si ta vie se prolonge, tu verras certes une femme voyager seule d'Al-Hira pour tourner autour de la Kaaba sans craindre personne sauf Allah. » Ceci aura aussi lieu du temps du Mehdi et de Isa alayhi salam, quand la justice se propagera à la place de l'injustice et l'oppression. L'apparition d'un feu du Hijaz. Parmi les petits signes figure l'apparition d'un feu du Hijaz. Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse un feu dans la terre du Hijaz, éclairant le cou des chameaux à Bousra. » Ce feu est apparu à la moitié du 7e siècle de l'Égypte, en l'an 654. C'était un feu énorme qui a été amplement décrit par les savants qui l'ont vu et ceux qui vinrent après eux. An-Nawawi, rahimahullah, dit « Apparu à notre époque un feu à Médine en l'an 654. C'était un très grand feu du côté est de Médine derrière El-Harra. C'est une information de haute notoriété pour l'ensemble de la région du Chem et des autres régions. Ceux qui en ont été témoins parmi les gens de Médine m'en ont informé. » Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte que plus d'un bédouin se trouvant à Bousra a été témoin de la lumière engendrée par ce feu qui apparut dans la terre du Hijaz, visible sur le cou des chameaux. Al-Qurtubi, rahimahullah, mentionna l'apparition de ce feu en le détaillant amplement dans son livre At-Tathkira. Il cite également qu'il a été aperçu de la Mecque et des montagnes de Bousra. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Il m'apparaît que le feu cité est celui qui est apparu aux environs de Médine, comme cela a été compris par Al-Qurtubi et d'autres. Ce feu n'est pas celui qui se déclarera à la fin des temps et qui regroupera les gens à leur lieu de rassemblement, comme nous le verrons plus loin dans les grandes lignes. » Le combat contre les Turcs. Muslim rapporte selon Abu Huraira, radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que les musulmans combattent les Turcs, un peuple dont les visages sont comparables à des boucliers martelés. Ils portent des vêtements faits de poils et marchent avec des chaussures faites de poils. » Al-Bukhari, rahimahullah, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez un peuple dont les chaussures sont faites de poils, et jusqu'à ce que vous combattiez les Turcs aux petits yeux, au visage rouge, au nez court et aplati. Leurs visages sont comparables à des boucliers martelés. » Amr ibn Taghlab, radiyallahu an, dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il est des signes de l'heure que vous combattiez des gens au visage large comme si leur visage était des boucliers martelés. » Effectivement, les musulmans ont combattu les Turcs du temps des compagnons, radiyallahu anhum, au début du califat des Omeyyades, à l'époque de Muawiyah, radiyallahu an. Abu Ya'ala rapporte selon Muawiyah ibn Khudayj qu'il a dit « Je me trouvais chez Muawiyah ibn Abi Sufyan, lorsque son domestique lui apporta une lettre l'informant du combat contre les Turcs et de leur défaite, ainsi que du nombre important de morts chez eux et un grand butin. Cela mit en colère Muawiyah qui ordonna qu'on écrive « J'ai certes compris d'après ce que tu as dit, ce que tu as tué et amassé comme butin, mais que je n'apprenne pas que tu as recommencé cela et que tu as combattu avant que je t'en donne l'ordre. » Je demandais « Pourquoi, ô prince des croyants ?» Et lui de dire « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Les Turcs apparaîtront aux Arabes jusqu'à les rejoindre à Manabith al-Sih et Al-Qaïsoum. C'est pourquoi je répugne à les combattre. » Abdallah ibn Abi Buraïda rapporte de son père qu'il a dit « Je me trouvais assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons entendu dire « Ma communauté sera vaincue par des gens en visage large, aux yeux petits, au visage comparable à un bouclier à trois reprises, jusqu'à ce qu'il les repousse vers la péninsule arabique. Quant à la première défaite, ne sera sauvé que celui qui échappera d'eux. La deuxième fois, certains périront et d'autres en réchapperont. Et la troisième fois, tous ceux qui resteront d'entre eux seront exterminés. » Ils demandèrent « Ô prophète d'Allah, qui sont-ils ? » Il dit « Ce sont les Turcs, par celui qui détient mon âme en sa main. Ils attacheront certainement leurs chevaux aux piliers des mosquées des musulmans. » Il continue « Suite à cela, Buraïda gardait toujours auprès de lui deux chameaux ou trois, ainsi que les affaires de voyage et la boisson pour fuir, vu ce qu'il avait entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme malheur provenant des chefs turcs. Il y avait un hadith célèbre du temps des compagnons, radiyallahu anhum. Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Il y avait entre eux et les musulmans une porte fermée qui commença à s'ouvrir petit à petit. Les captifs commençaient à devenir nombreux et étaient convoités par les rois, car ils étaient rudes et mauvais. La majorité de l'armée d'Al-Mu'tasim faisait partie d'eux, puis les Turcs vainquirent le roi et tuèrent son fils Al-Mutawakkil, puis ses enfants l'un après l'autre jusqu'à ce que le royaume fût largement constitué d'eux. Ensuite, il y eut les rois samanides qui faisaient partie également des Turcs. Ils gouvernèrent les territoires non arabes, puis ces royaumes furent vaincus par la dynastie des Sabakatkin, puis la dynastie des Seljouks, dont le royaume s'étendit jusqu'en Irak, au Chem et à Rome. Le reste de leurs partisans étaient ceux qui se trouvaient au Chem, la dynastie de Gengis et leurs fidèles qui sont la dynastie d'Ayoub. Parmi ceux-ci, il y avait encore une fois beaucoup de Turcs qui gagnèrent le pouvoir dans les territoires d'Égypte, du Chem et du Hijaz. Les Seljouks furent attaqués en l'an 500 par les Rouzes qui dévastèrent les contrées et exterminèrent les gens. C'est après que la grande catastrophe fit son apparition avec la venue des Tatars, Gengis Khan, apparu après le 6e siècle. Le monde fut dévasté et en particulier tout l'Orient. Aucune région ne fut épargnée par leurs méfaits. La destruction de Bagdad et l'assassinat du calife Al-Mu'tasim, qui était leur dernier calife, furent causés par eux-mêmes en l'an 656. Ils ne cessèrent de détruire jusqu'à ce que vint le dernier d'entre eux, El-Link, qui signifie le boiteux, dont le nom est Tamour. Il arriva aux terres du Cham, où il vécut et brûla Damas jusqu'à ce qu'elle soit complètement ravagée. Il arriva ensuite à Rome et en Inde, et ce qui se trouve entre eux. Son règne dura jusqu'à ce qu'Allah Azawajel le saisit, ses enfants se séparèrent alors dans les territoires. Apparaît dans tout ce que j'ai cité la confirmation de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Qantura seront les premiers à enlever à ma communauté son règne, comme s'il voulait dire par ma communauté, la communauté d'appartenance ethnique et non celle du prêche, c'est-à-dire les Arabes. Et Allah est plus savant. Ainsi, les Tatars qui ont fait leur apparition durant le 7e siècle de l'Égypte font partie des Turcs. En effet, la description faite au sujet des Turcs s'applique aux Tatars, dont l'apparition fut au temps d'un Nawawi, rahimahullah, qui dit à leur sujet « Le combat contre ces Turcs concorde avec toutes les descriptions faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Petits yeux, visage rouge, nez court et aplati, visage large comme si leur visage était des boucliers martelés portant des chaussures faites de poils. Toutes ces descriptions se retrouvent en eux et à notre époque. » Et les musulmans les ont combattus plusieurs fois et les combattent encore maintenant. De nombreux Turcs se sont convertis à l'islam et ont apporté beaucoup de bien à l'islam et aux musulmans. Ils ont établi un empire islamique fort qui consolida l'islam. De nombreuses conquêtes importantes ont été accomplies à leur époque, dont la conquête de Constantinople, capitale des Romains, prémisse de sa grande conquête à la fin des temps avant l'apparition du faux Messie, comme nous le verrons. De même, l'islam pénétra en Europe et dans de nombreux pays à l'est et à l'ouest. Cela coïncide avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle qu'elle est relatée dans le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu an, mentionnant le combat contre les Turcs. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et vous trouverez que parmi les meilleurs gens, il y a celui qui est le plus répulsif envers cette affaire jusqu'à ce qu'il y tombe. Toutefois, les gens ont des natures originelles. Les meilleurs d'entre eux durant la période d'ignorance sont les meilleurs en islam. Le combat contre les non-arabes. L'un des signes de la fin des temps est le combat contre les non-arabes. Abu Huraira, radiyallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous combattiez Rouz et Karman parmi les non-arabes. Ils ont le visage rouge, le nez écrasé, des petits yeux, leurs visages sont comparables aux boucliers martelés, leurs chaussures sont faites de poils. » Nous avons vu concernant le combat contre les Turcs la description faite dans les hadiths mentionnant cela. Dans le hadith ci-dessus, il est question d'un combat contre Rouz et Karman, qui ne font pas partie des territoires turcs, mais des non-arabes. Cependant, leur description est la même que celle des Turcs. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « Il est possible de répondre en disant que ce hadith n'est pas le même que celui du combat contre les Turcs, mais on comprend de ces deux-là l'avertissement contre la venue de ces deux peuples. » Ceci est appuyé par ce que rapporte Samoura, radiyallahu an, qui dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Peu s'en faut qu'Allah Azawajel n'emplisse vos mains des non-arabes, puis qu'ils deviennent des lions qui ne fuient guère, mais tuent vos compagnons et mangent votre butin. » Abu Huraira radiyallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Peu s'en faut que parmi les non-arabes se multiplient parmi vous des lions qui ne fuient guère. Ils tueront alors vos combattants et mangeront votre butin. » Ainsi, le combat contre les non-arabes figure parmi les signes de la fin des temps. La disparition de la responsabilité, Al-Aman. La disparition de la responsabilité figure parmi les signes de la fin des temps. Abu Hurayra, radiyallahu an, dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quand la responsabilité disparaîtra, attends l'heure. » Il demanda « En quoi consiste sa disparition au messager d'Allah ?» et lui de répondre « Quand l'autorité sera octroyée à celui qui n'en est pas digne, attends l'heure. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également expliqué comment la responsabilité disparaîtra des cœurs et qu'il n'en restera que sa trace. Hudhayfa, radiyallahu an, rapporte « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous conta deux récits dont j'ai vu le premier se réaliser, et j'attends le second. Il nous raconta que la responsabilité fut déposée dans la souche des cœurs des hommes, puis qu'ils apprirent le Coran, puis qu'ils apprirent la Sunna. Il nous parla de sa disparition en disant « L'homme dormira et la responsabilité sera ôtée de son cœur. Sa trace restera comme celle d'une tache sans couleur. Puis, il dormira et cela lui sera ôté et sa trace restera comme celle d'un bouton. Comme une braise que tu roules sur ton pied, puis apparaît une cloque que tu vois se gonfler, mais dans laquelle il n'y a rien. Ensuite, les gens commerceront entre eux, et pratiquement personne d'entre eux n'assumera sa responsabilité. On dira, parmi les fils d'un tel, il y a un homme digne de confiance. Et on dira d'un homme, comme il est sensé, comme il est distingué, comme il est fort. Mais il n'y aura dans son cœur même pas le point d'un atome de moutarde de foi. Fut un temps où je ne prêtais guère attention à celui avec qui je m'engageais. Si c'était un musulman, c'est l'islam qui l'en empêchait. Et si c'était un chrétien, c'est son chef qui l'en empêchait. Quant à aujourd'hui, je ne m'engage plus qu'avec un tel et un tel. Ce hadith montre que la responsabilité disparaîtra des cœurs en sorte qu'un homme trichera alors qu'il était digne de confiance. Cela se produira pour celui dont la crainte vis-à-vis d'Allah Azawajal partira, dont la foi faiblira et qui fréquentera les partisans de la traîtrise jusqu'à ce qu'il devienne lui-même indigne de confiance car le compagnon suit l'exemple de son ami. L'une des manifestations de la disparition de la responsabilité est le fait d'octroyer les affaires des gens comme le commandement, le gouvernement, le jugement et les différents postes à celui qui n'en est pas digne et qui est incapable de les mettre en application et de les préserver. Car cela comprend le non-respect des droits des gens, la négligence de leurs intérêts, cela engendre la jalousie dans leur cœur et attise les troubles entre eux. Si celui qui dirige les gens n'assume pas sa responsabilité, à savoir que les gens suivent celui qui les dirige, ceux-ci agiront comme lui vis-à-vis de leur responsabilité. La rectitude de la situation du dirigeant signifie la rectitude de la situation de ses sujets, alors que sa corruption engendrera la leur. De plus, octroyer le commandement à celui qui n'en est pas digne est un signe clair de l'insouciance des gens vis-à-vis de leur religion, à tel point qu'ils octroient leur commandement à celui qui ne s'intéresse guère à sa religion. Cela se produit quand l'ignorance domine et que le savoir disparaît. C'est pour cette raison que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte le hadith d'Abu Huraira, radiyallahu an, précédent dans le livre du savoir, soulignant ce que nous venons de dire. Ibn Hajar, rahimahullah, dit « La concordance de ce texte au livre du savoir est qu'octroyer le commandement à celui qui n'en est pas digne se produit quand l'ignorance domine et que le savoir disparaît, et ceci fait partie des signes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'il y aura une époque insidieuse, durant laquelle les notions s'inverseront, où l'on démentira celui qui est véridique et croira le menteur, où l'on considérera comme traître le digne de confiance et accordera la confiance au traître, comme nous en parlerons plus tard. À savoir que l'un des signes de la fin des temps sera d'octroyer une place d'honneur aux racailles.